pour cette entrée en matière par Étienne Dao, le temps d'un live en 1989. Ça a été repris d'ailleurs sur vinyle, c'est pour ça que ça a craqué, ça a même sauté. À faire classer, extrait de ce disque live. Et faire classer parce que il y avait un tournoi qui réunissait je vais y arriver, la France forcément chez elle au stade Pierre-Mauroy et la Belgique en tennis, et avec Steve c'était effectivement une affaire classée. Tu remets le couteau dans la plaie. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Au programme ce soir, album de la semaine, la review de Korenko, le fil rouge. Il y aura une archive du dimanche qui colle aussi à l'actualité. J'essaye. Allez. Parce que ça colle à l'actualité. Dao a sorti son album la semaine passée. Ça s'appelle Bliss. Donc on passe du Dao, un vieil album. Voilà. Ben là, je vais faire la même chose pour l'archive. D'accord. Books on the Radio, qui ne colle pas du tout à l'actualité, je vous rassure. Ouais. Et puis on ira chercher une pépite un peu improbable sortie il y a une quarantaine d'années dans un format 45 tours spécial. Oula. Ça ne rigole plus. Non, ça ne rigole plus. Fait comme on peut. Allez. Et puis on vous parlera aussi de Algiers. Oui, parce qu'il y avait une raison pour laquelle nous n'étions pas là la semaine dernière. Et oui, nous étions au concert. C'est ça. Enfin, d'Algiers, on en parlera tout à l'heure. Pas nous. Hein. Non. Nous. Nous, on regarde. Nous, on a regardé, on n'était pas occupé de faire du bruit. Mais bon, allez, c'est parti. L'ironie du primate, humour Louis-Philippard, le sarcasme prud'homesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Allez, album de la semaine. Alors, c'est pas un nouvel album. Quoi ? Puisque le duo a sorti un album cette année, mais c'est plutôt leur première EP. Qui sortait cette année aussi ? Qui sortait en 2016. Ah ouais ? On n'est pas trop loin. Bon. Ça va. On peut faire un album de la semaine qui n'est pas de 2007. Hein. Oh, je sais pas. Il n'y a pas de cadre précis. Ah, je ne sais pas. Duo londonien, le duo londonien qui s'appelle The Agnès Circle. Me regarde. Je ne connais absolument pas. Mais qu'est-ce Qu'est-ce donc Donc, ils viennent de Londres, c'est pas mal. Formé en 2015. On retrouve à la basse, parce qu'il y a une basse. C'est toujours bon signe. C'est toujours bon signe, voilà. Raquel Redfern et un songwriter californien. Voilà, Florian Wojtek. Et c'est leur premier EP. Bon. Ça s'appelle Modern Heidi. Et premier extrait de cette EP, ouais. Ceramics. Pas plus. Je vous laisse découvrir. Ah ouais, c'est vraiment. Ok. Ouais. C'est parti. Après, ça ne changera pas de nos habitudes. We'll be right back. dit Agnès Circle avec Ceramix, extrait de l'album de la semaine Modern Heidi. Ils aiment encore bien Cure, non? Ils aiment bien Cure, ouais. Alors, ils sont signés chez un label italien. Oui. Qui s'appelle Avant. Avant ou Avanti? Avant. Bon. C'est, ou Avanti. C'est bien d'être positif. Et de voir de l'avant, bah oui, forcément. Ça, oui. Ouais, ça devait se faire. Et ils décrivent leur musique comme du post-punk anglais et de la cold wave française. Ouais, non, très certainement anglais avant tout, quoi. Bah quand même. C'est très très anglais. Français, je sais pas trop. Non. Enfin, non. En tout cas sur un titre, non. Mais non. Voyons voir avec la suite. Mais... Tout à fait. Alors, ils ont sorti un album cette année. Oui. Qu'on vous passera sûrement plus tard. Voilà. Qui s'appelle Some Vague Desire. Ouais. C'était sorti au mois de novembre. Enfin, c'est. Et là, c'est les Modern Heidi. Là, c'est Modern Heidi. C'est l'EP qui est sorti juste avant. Et Some Vague Desire. Et ils ont un petit peu de la suite dans les idées, non? Bah, je ne sais pas. Je s'appelle Modern Heidi. Donc... Je trouve. Allez, deuxième extrait pour ce soir. Allons-y. Pour dit Agnès Circle, on va écouter le morceau Venetian Boy. Thank you. Ouais, à l'heure où la New Wave semble s'installer un petit peu partout en bonne et due forme, la France, effectivement, n'est pas en reste, quand même. Ouais, il y a un beau vivier là-bas. Il y a un beau vivier, il y a quelque chose dans l'air, à mon avis. Et là, en l'occurrence, dans l'air, c'est dans l'air de Nantais. On retrouve un duo qui s'appelle Napta. La voix vous a peut-être dit quelque chose. Forcément, les reconnaissables entre mille, c'est la voix de Justine qui était auparavant chanteuse chez les Modules Étranges. Longue histoire avec ce groupe. On ne rentrera pas dans les détails, ça n'a finalement que très peu d'importance, sinon que les directions, à mon avis, humaines et musicales, se sont pris chacun leur chemin. Et Justine se retrouve avec Gérald, ex-batteur chez Patricia, un groupe plutôt noise de Nantes. Mm-hmm. Et Patricia Rip, voilà, le batteur va dans son coin, fait un petit peu de musique électronique, et puis Justine le rejoint, et vient ce duo qui s'appelle Napta, on écoutait The Odor. Il y a une démo qui s'appelle Home, démo tout simplement, qui est sortie en juin dernier, avec 3 titres, 2 très bonnes tenues. Voilà. Napta. Boom. À surveiller du coin de l'œil. Absolument. Allez, fil rouge, toujours avec Leonard Cohen. Nous sommes dans les années 80. Ah, ça devient bien. Ça commence à devenir bien. Et dans les années 80, Leonard Cohen va coécrire un film musical rock qui s'appellera Night Magic. Je pense que ça devait être inconnu par chez nous, à mon avis. En tout cas, ça ne me dit rien, alors. Non, mais même les acteurs ne me disent pas grand-chose. Avec Lewis Furet, ouais. Caroline Laure et Nick Mancuso. Ouais, ouais. Voilà. Bon, par contre, le film, rien, quoi. Non, moi non plus. Va s'en suivre une grosse tournée pour Leonard Cohen, et notamment une tournée qui passera par la Pologne, où il va chanter de Partizan. Dans un pays où ça fait à peine 2 ans qu'ils sont sortis de la loi martiale. Ouais. Donc ça bon moyen d'avoir du succès. C'est ça. Donc ça fera un petit peu jazzy, comme on dit. Et puis en 1984, il sortira I'm Your Man. Ah. C'est pas encore celui, je pense, que tu penses. The best black of the world. Je pense pas. Si, si, First We Take Manhattan et tout ça. Everybody Knows et tout. C'est pas celui-là. Non. Eh non, bon. Non, non. Puisque cet album contient un succès qui ne sera pas un succès tout de suite. Ouais. Qui sera surtout très repris. Notamment par John Cale et Jeff Buckley. Ah oui. Bah, si je vous dis ça, forcément, vous allez me dire... Et plein de chanteurs à The Voice maintenant, c'est ça? C'est ça. Et disons que les reprises les plus connues, voilà, sont celles de John Cale et de Jeff Buckley. Bah, oui. Ce morceau, forcément, c'est Alléluia. On va aller à la messe un peu. Un petit peu, ouais. Allez, Leonard Cohen, extrait de cet album I'm Your Man. Le morceau, c'est Alléluia. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah. Well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Un petit détour par les musiques bruyantes et agitées. Après, évidemment, que Devin Tosen nous y invite sur le coup de 20h30, comme chaque lundi, en compagnie de Korenko. Que s'est-il passé dans le monde du métal ? Eh bien, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je ne sais pas, non. Eh bien, on annonce des retours, évidemment. Glucifer qui va se reformer. Turbo Negro qui va se renommer. Ah, ça je connais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est la même Glucifer, c'est la même famille. Je sais pas, je connais. Sont des cousins, sont des cousins. D'accord. Voilà. Bon. Et ils se refondent pourquoi ? Pas spécialement pour des albums ou ce genre de choses. Du tout. C'est parce qu'il y a des festivals un peu partout, dont le Hellfest et Download qui font cracher les poumons à tous les bénéficiaires. Mais donc, il leur faut des groupes au final pour faire des grosses affiches. Et donc, on va déterrer des groupes presque morts. Enfin, bref. Presque mort. Ouais. Mais ils étaient morts. Bah, c'est juste qu'ils se reforment. Ben bah, voilà. Boris Amenra, eux, sont bien vivants. Et le temps d'une tournée qui va passer en Europe, ça c'est plutôt bien. Les deux groupes vont collaborer. Ils vont collaborer, à mon avis, musicalement. Ils vont collaborer sur scène. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que c'est finalement de bons groupes, les Belges Amenra et les Américains de Boris. On va être dans du très très solide, évidemment. Donc à suivre, suivez les dates parce que ça va valoir le coup, à mon avis, de voir les deux en même temps sur scène. Ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Lucifer, j'ai dit qu'il se reforme. Ben, au moins le temps d'un concert en Espagne, bien sûr, qui aura lieu lors d'un festival en juin prochain, 22-23 juin, festival en Espagne. Et on va chercher, je le disais, oups, elle perd les mythes, ça les énerve aussi. Ils vont aller chercher des gens qui étaient morts et enterrés, je trouve ça complètement... Bah écoute, faire du pognon... Je fais un appel là parce que je sais que notamment voilà, Shérif d'Enfer ou quoi, il connaît un petit peu tous les gens du milieu qu'ils organisent et tout ça. Ouais. Et je vais en demander un peu à Scream, qui a un de ces gars une fois à l'antenne, qui explique pourquoi une affiche sold out avant de connaître le moindre nom avec des places à 200 boules quoi. Est-ce que c'est de la faute de, réellement du festival? Je ne sais pas. C'est des gens qui sont tarés de le faire avant. Je suis désolée. Je ne sais pas. Voilà. Moi, en tout cas, ça me reste clairement en travers de la gorge et après, je serais pas ébouriffé. Ouvrir les ventes des places avant qu'on donne un nom, j'avoue. C'est lourd, mais ça. Hein. Les gens se disent, eh ben, je prends quand même mes places. Donc, dans les deux cas. Et j'y vais parce que j'aimais bien l'ambiance. Ouais, mais dans les deux cas. Et donc la musique là-dedans, rien. Ouais, mais si, je pense que quand même, il y en a qui vont pour la musique. Je ne sais pas. Bah, je sais pas, moi j'ai du mal avec le métal déjà à la base, donc Black Country. Black Country Communion qui va proposer un nouvel extrait de BCCYV avec, voilà, c'est le nom de leur album, avec un morceau qui s'appelle Over My Head, et c'est bien sympa si vous aimez le métal un petit peu glam, déjanté, là. C'est bien foutu, Black Country Communion. Groupe normand, Greyfell, qui vient d'annoncer la sortie d'un deuxième opus qui va s'appeler Arse Power, avec 5 titres. Et ça va sortir chez Argonauta Records, qui, me semble-t-il, est une nouvelle maison. Donc bienvenue à eux, c'est bien. Il faut faire tourner un petit peu les machines. Voilà, les petits... C'est bien qu'il y ait encore des petits nouveaux qui arrivent. Absolument. Comme ça. Oudet Menace, qui va présenter In Hairy Deliverance, issu de Ossearium Silhouette Unlowed. Et ça, tu peux y aller. À vos souhaits. Ouais. Osu, si vous voulez, quoi. Hein, ouais, l'album sortira facile, ouais. Le 26 janvier prochain chez Season of Mist. Bah, eux poursuivent un petit peu leur com, bon an mal an, mais ils en ont pas trop besoin parce que ça fera partie évidemment d'un des albums phares de cette année. Dead Cross, qui a mis un nouveau morceau en ligne, bien clippé, évidemment. Refuse, qui continue à ne pas vouloir s'arrêter. Et qui est rentré en studio à Gotland afin d'enregistrer un successeur à Freedom. Donc Refuse n'est pas mort finalement, que du contraire. Ça continue pour eux. Hein. Ils ne sont pas morts non plus. Creator, Out to the Hordes, qui est nouveau clip évidemment. Et Creator, bon ben voilà. Eux aussi ils sont là pour les festivals à mon avis. Ça fait plaisir. Eux, à mon avis, ils ne sont pas loin là pour les festivals. Mais... comme ça, Gladjo qui s'est reformé aussi, qui a dévoilé deux teasers de son prochain album qui va s'appeler Material Control. Ça sortira le 1er décembre, c'est vendredi prochain, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et on écoutera dans l'émission un premier extrait de cet album à venir de Gladjo. Voilà. Mm-hmm. N'ai pas écouté, hein, je ne peux rien dire. Moi j'ai écouté. C'est vrai ? Ouais. Moi je n'ai écouté qu'un album. Allez, quatrième et dernier volume pour les N.O. It's at All. Jeu de mots avec N.O. Nyx Oliveri, bien sûr, ex-bassiste de Queen of the Stone Age. Ça sortira le 23 février prochain, en plein de formats différents. Vinyle noir, vinyle coloré, double CD. Cassette. Voilà, ça sortira chez Heavy Psych Sounds. Là, on commence à connaître la maison. Bonne qualité. Et donc, on va retrouver plutôt des titres où ils chantent plus qu'ils ne jouent de la basse. Voilà, des déclinaisons de Ma vie, mon œuvre de Nyx Oliveri qui continue. Pourquoi pas ? Broken Law pour Discharge, End of Days. C'est le nom du dernier opus en date de Discharge et ils sont toujours aussi excellents comme il y a 30 ans. Ils n'ont pas changé d'iota, c'est plutôt bien. The Broken Law, Et puis on arrive, vous rappelez quand même que Korenko, c'est aussi une émission radio. Voilà, on peut retrouver l'épisode 1 de la saison 5 le lundi soir entre 22 et 23 sur nos ondes ici, oui, sur RQC. Et la semaine passée, il y a l'épisode 2 de la saison 5 qui est sorti, donc ça arrivera bientôt sur les ondes d'RQC aussi, en décembre à mon avis. Vous savez qu'il y a toujours un petit décalage comme ça qui se fait, quoi. Hein, décalage d'un mois généralement. Bon, allez, on s'arrête sur les Suisses, enfin tour en Suisse. Allons-y. L'album s'appelle Hégémonie, pour un groupe qui, mine de rien, accuse déjà 27 années de carrière, c'est pas mal. Le groupe s'appelle Samael, on est dans un registre plutôt métal, indus, un peu teinté d'électro, parfois beaucoup teinté d'électro et moins de métal et plus d'indus, ça dépend, voilà, ça dépend du moment. L'hégémonie qui nous occupe me laisse un peu le cul entre deux chaises et je pense que c'est un peu la même chose pour Zartek qui a fait la chronique, même si le disque se tape un bon 7,5 sur 10, parce qu'il y a de la bonne qualité, parce que c'est de la belle composition, c'est du bel ouvrage, et quand on a 27 ans de carrière derrière soi, généralement c'est de quoi on parle, donc ça c'est pas le problème, c'est juste que un peu le cul entre deux comme ça, donc faites-vous une idée. Mon avis, l'album me passera un peu inaperçu, c'est dommage pour un groupe de la cabine de Samael quand même, quand on voit toutes les reformations Enzo Wort là, eux ne se sont pas reformés, ils existent, c'est tout. tant mieux d'ailleurs. Red Planet, extrait de cet album, Hégémonie, l'album sort chez Napalm Records, Samael, Red Planet, c'est parti. Divided with Titan, the soul. les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Look, no, I don't believe him. But know that I've been grieving. Know that I've been holding out, hoping to receive him. I've been holding out for G, but he was nowhere to be seen when I was bleeding. Cousin with the choking and the wheezing. But still he dreaming, smoking potent in the evening. This is only for the heathens. Holding to the souls who need redeeming from the demons. Still ain't folding when it's freezing. There ain't no one to believe in. I'm on that man's side, damn right, doing it myself from a landslide. Stand by, didn't need no help from no damn guy. Man, bye, I've been making waves all my damn life. Plan might step to the letter and I stand by it. Try it, we ain't holding back if it backfires. Lax, not the ones who carry crack till they're back tired. Thought they make a meal till it transpired. I ain't like them damn liars. I'm saying I ain't like them damn liars. Trust. Told him I get like them damn liars. So keep your mouth closed shut, eyes wide open when that doubt rolls up. Cause if the drought shows nothing but the clowns, hold nothing but the sound, I'll be running till the ground open up. Cause the best don't change, clinging to that cold one. My mother said there's no love until you show some. So I showed love and got nothing, now there's no one. You wonder why I couldn't keep in tow, son. I wonder why my dad didn't want me, ex didn't need me. Half of them left and the rest finna breeze me. Gets blessed till I second guess, rest till it frees me. There's nothing to believe in, believe me. Bit of life after death. Scattered my ashes when it's my time to rest. With the lines I'm obsessed, rhymes I possess, can't deny. Seen the biggest guys cry to confess in a breath. Fresh death, pass in the chest, unimpressed with the cess left. Scars in the flesh, he's the best. Worst kept sparring in jest, saying star never bar too far from the nest. So I never left and never thought about doing so. I to and fro from that prime time to a home. You see, I'm viewing those nights I should have known better. Like whatever, still my bread to say I'm too involved. But who would know what the family first is? Till your dreams see three family hearses. Worst is, wouldn't mean to speak at the service. So I penned a couple bars, didn't need to rehearse this. À mon avis, certaines se sont fait plaisir. Et je ne parle pas d'écriture inclusive. Hein. Certaines. Allez, le petit morceau groovy du soir, vous avez sûrement dû reconnaître. Ce beau jeune homme. En tout cas, la pub. Ouais, c'est dont musique est tirée, d'une pub. Voilà, d'un célèbre parfumier. Mm-hmm. Voilà, je n'en dirai pas plus. Non, ça ne sert à rien. Et donc, le jeune homme qui est dans cette pub, ouais. Eh bien, est le chanteur de cette chanson. Loyal Carner. Mais on voit qu'il prépare la chanson parce qu'il y a des versions longues de la pub où on voit qu'il est occupé d'écrire. C'est ça, tout à fait. Il y a un casque sur les oreilles, tout ça. Voilà. Voilà. Loyal Carner, qui est anglais et qui a sorti un tout premier album en début de cette année, figure-toi. Album qui s'appelle Yesterday's Gone et le morceau s'appelle The Isle of Arran. Bon. Grande qualité quand même. Hein. Très grande qualité. Ouais. À découvrir, à mon avis, l'album. Ouais. C'est nouveau alors. Premier album, c'est ça? C'est tout premier album, ouais. Bon, bah. Et tout jeune, il y a 24 ans donc. Déjà le pied à l'étrier quand même. Déjà bien parti, ouais. Bien. Allez, on vous parlait d'Algiers. Oui. Ils sont pas si vieux que ça non plus, finalement. Il y a peut-être, je sais pas moi, Matt Tonquet, ex-batteur chez Bloc Party, qui est à la batterie chez Algiers. qui a toujours pas d'allure. qui n'a toujours aucune allure, mais qui est peut-être le plus âgé du tas, on ne sait pas. Algiers, c'était, si vous étiez à l'écoute du non-stop, tant pis pour vous, mais c'est peut-être que vous étiez à Bruxelles. Enfin, on vous a pas vu, vous nous avez pas vu, mais nous étions au Botanique, oui. Au fameux Whitlow Bar, qui est la cave hein, du Botanique. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds au Botanique, c'est magnifique. C'est cher, c'est un peu bruxellois. Ouais, le prix de la place n'était pas cher. Non. Ce sont les boissons sur place qui sont très chères. C'est ça. C'est un peu bruxellois et n'y voyez aucune malice quand je dis ça. Ça veut dire que c'est mondial. Hein. On rappellera qu'à Bruxelles, il y a 162 nationalités. Donc forcément, ça parle toutes les langues. C'est ça. Ça qui est amusant. Et donc, un peu dans ce petit village mondial, on a découvert la cave mondiale où il y avait tous les gens, tous les styles et tout type de personnes qui se sont tapées, me semble-t-il, un des moments de l'année. Dis-le. Un des moments de l'année. Quand même. Hein ? C'est pas ce que t'en penses, mais... Si, quand même. À le dire sur scène, c'est quand même une boule d'énergie. C'est vrai. Ça t'arrive en pleine figure et tu dis... Ah ouais, c'est bon. Et c'est assez marrant parce que c'est un concert où t'as l'impression que ça a duré 30 minutes. Ouais. Ouais. En fait, ça a duré plus d'une heure. Ça a duré plus d'une heure et on avait l'impression que c'était expédié. Alors expédié, on s'entend bien, pas acheté à la figure non, et cassez-vous non. du tout. Mais que tout s'enchaîne tellement que on avait l'impression d'être là les 40 minutes quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, on a bien été 40 minutes de plus. Et c'était franchement, si vous avez l'occasion, on reviendra d'ailleurs le 19 février à l'aéronef de Lille. Voilà, si vous voulez pas la Bruxelles, c'est plus précis. C'est plus précis, allez-y, n'hésitez pas une demi-seconde non. à aller voir, parce que c'est quand même... voilà. Est-ce que ce sera la même chose? Parce que l'aéronef est une plus grande salle, c'est une plus grande scène. Parce que là, Whitlow Bar, c'est petit. Ouais, et ça avait, à mon avis, l'avantage, c'est qu'on était extrêmement près. En tout cas, nous étions très près des musiciens. On était à 2 mètres. Oui. Et voilà. Donc, forcément, ça donne une autre énergie, une autre ambiance. Il y a Franklin James Richard qui est un personnage absolument passionnant. Alors humainement on n'en sait rien, mais en tout cas en tant que musicien, dans sa recherche, dans sa façon d'être sur scène, sa façon de créer ses sons, de construire un petit peu ses textures pendant les morceaux, enfin il cherche le mec et en plus il s'éclate, donc c'est très très bien. Et il y a son guitariste qui est beaucoup plus discret, qu'on voit quasi pas. Ah non, il dort. Qui fait exactement la même chose. C'est ça. Et les chercheurs sont soutenus par une session basse-batterie et pas d'électronique maintenant forcément. Mmh. Du feu de Dieu avec un bassiste assez allumé, il faut le dire. Énorme. Ouais. Bah, c'est chanteur et bassiste, c'est ils ont fait le show. C'est voilà, ce qu'on voit le plus, ouais. Ils ont fait le show à mort, les deux. Donc c'est carré, ça groove, les deux c'est possible, hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'idée, effectivement, le côté un peu expérimental. Alors, quand même. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas spécialement être connaisseur. Et ce n'est pas non plus des face-b de Sonic Youth. Hein, on s'entend bien. C'est expérimental, mais ça reste accessible. Mais il y a de la recherche vraiment intéressante. Entre deux duos qui, sur scène, créent un vrai groupe. Et c'était très, très bien. Et oui, probablement... En tout cas, dans ce contexte-là, ce format-là, petite scène et proche des gens, probablement un des concerts de l'année, certainement. Ouais, c'était vraiment très... Enfin, voilà, on a adoré, en gros. Et donc, forcément, ça vaut un petit extrait. Allez, un petit Algiers. Un petit Algiers, extrait de leur dernier album, qui est quand même une pure tuerie. The Underside of Power, on va écouter The Cycle, The Spiral, Time to Go Down Slowly. Going in and out of focus while you wait for the change.

Neon Light par Kraftwerk, c'était le fameux vinyle, long ce soir, près de 9 minutes, le petit 45 tours qui craque. Ouais. Alors quand j'ai 45 tours, ça l'est, dans sa dénomination, ça l'est pas dans son format, puisque c'est un maxi 45 tours, donc format 33 tours, voilà. Et évidemment, c'est de la radio, donc vous n'avez pas vu ça, mais il s'agit d'un Luminous vinyle. On t'éteint la lumière. Voilà, c'est ça, ça devient vert. Et c'était sorti en 1978. Le titre Neon Light figure sur l'album de Man Machine, un des grands disques de Kraftwerk, évidemment, qui sort en 78. Et puis, les phases B, il y a Das Modell et Trans Europe Express, quand même. Ça va. C'est du solide. Hein. C'est du solide. Ouais. C'est du solide. Tout ça sortait chez Capitol Music et Kling Klang, bien évidemment. Kling Klang, c'est à la fois et le studio et le label pour Kraftwerk. Et puis Capitol Music, c'était pour l'International, bien évidemment. Neon Light, c'était le vinyle qui craque du soir. Ouais. Oh là, attention, ça Allez. Va changer. Là. On va changer d'ambiance. One line. One line. A paper. A sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio avec un bouquin qui a plus de 20 ans, figure-toi. Eh bien, bien. Le bouquin s'appelle Nécropsie. Ouais, bah oui, ça veut tout dire. Sympathique. Rien qu'avec le titre. L'auteur, c'est Hubert Corbin, français. Oui. Voilà. Qui a 66 ans maintenant. Mm-hmm. Et donc, bouquin sorti en 1996. Et c'est un des tout premiers auteurs de thrillers psychologiques français. C'est ça. Alors, Nécropsie, c'est l'histoire en fait d'un crâne qu'on va retrouver, d'un crâne décomposé, complètement décomposé, qu'on va retrouver dans un sac poubelle, dans une décharge en Californie. Mmh. Voilà, le crâne est tellement décomposé qu'on ne sait même pas dire si c'est une femme ou un homme. Sympa. Sympathique. Et c'est un inspecteur de la police de Californie qui va s'y mettre, donc Frank Folkerson, qui va appeler à la rescousse l'ancien directeur de la médecine légale de Californie, Marcus Mowbray, pour essayer de découvrir l'identité de ce crâne. Ben oui. Et donc, ils vont mettre au point une technique qu'on connaît un peu plus maintenant, mais qui, à l'époque, était dans ses balbutiements. C'est-à-dire essayer de reproduire à partir du crâne qu'on a retrouvé, qui est complètement décomposé. Et ouais, ce qui en reste. Voilà ce qui en reste. Et à partir de la pâte à modeler, on va essayer de reconstituer le visage de la personne. Mm-hmm. Alors maintenant, on a plein de technologies, forcément, qui... Ouais, 3D et tout... Digital, total. C'est ça, voilà. Et figure-toi que déjà à l'époque, donc ils vont faire appel à une société qui commence déjà à utiliser ces fameuses 3D. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'ils vont reconstruire le visage en fait, de ce crâne décomposé. Mm-hmm. En 1926, quand même. Ouais, bien. Hein. Ah oui. Un petit bond dans le temps, comme ça. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre parce qu'il n'y a pas de téléphone cellulaire. Non. Ou pratiquement pas. Il n'y a pas d'internet. Non. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu dis, vu que tu le lis en 2017, tu vas dire, ouais, mais si tu cherches un truc, il y a internet, machin et tout. Mais dans le bouquin, tu te le dis pas du tout, en fait, finalement. Ben non. Mais pas du tout. C'est parce que, ben voilà, donc la plupart des thrillers, maintenant, tu fais une recherche sur internet, sur machin, sur... Eh ben non. Et ça fait très bizarre de se dire que, ben ouais, non, à l'époque, ils n'avaient pas tout ça. C'était pas plus mal, ma petite dame. C'était pas plus mal. Et donc, une fois qu'ils ont reconstitué ce fameux crâne, ils vont le passer dans les journaux. Bah oui. Il faut bien. Il faut bien. Un avis de recherche. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous connaissez cette personne? C'est ça. Et donc un jeune homme va venir dire, bah oui, je la connais. Une jeune fille de 17 ans qui se prostituait pour son propre compte. Et donc, qui est forcément décédée. Donc on a retrouvé le crâne, mais que le crâne. Ah, l'enquête est ouverte. L'enquête est ouverte. Alors, ce qui est assez bien dans ce bouquin, c'est qu'on a donc le côté de l'enquête, de la médecine légale et du tueur. C'est une brique. Hein. C'est une belle brique, ouais. Ça va encore. On va voir d'ici, c'est costaud quand même. Ça va encore. Alors, c'est comme ils le disent, c'est vraiment, si vous avez adoré Le silence des agneaux. Ah. Ah bah oui, et ben on est complètement dans le même style. Donc au niveau de l'écriture, au niveau de l'époque, au niveau des voilà des moyens mis en place, au niveau de l'inspecteur, enfin un peu tout. Alors il y a pas de FBI, enfin si un petit peu, mais pas pareil. Mais il y a une histoire d'un serial killer, il y a une histoire d'un tueur qui est complètement barré. Forcément, ils vont savoir, ils vont retrouver l'appartement de cette Kitty qui a été tuée. Et quand ils vont rentrer dans l'appartement, ils vont se retrouver avec tous les sous-vêtements de cette fille pendue autour de sa chambre. Voilà, et avec plein de vêtements éparpillés sur son lit. Et du sperme, forcément, trouvé sur son lit. Mm-hmm. Donc voilà. Ça vous met un peu dans l'ambiance. Sympa. Alors, je vous dis, on ne dit pas plus, sinon voilà. Mais pour l'époque, en tout cas, c'est franchement très très bon bouquin. Et je vous dis, si vous avez aimé Le silence des agneaux, n'hésitez pas à lire Nécropsie de Hubert Corbin. Et pourquoi ça arrive en 2017, ce bouquin, comme ça? Mais il y a un renouveau du thriller depuis un petit moment. Ouais. Je pense que pendant tout un moment, il s'était un peu laissé de côté. Et on redécouvre un petit peu les auteurs qui ont sorti ces bouquins-là. D'accord. Et par hasard, je suis tombée sur, dans un groupe qui aime les thrillers et qui parlait justement de ce bouquin-là. Et voilà. Et Nécropsie, qui est un livre qui est assez difficile à trouver. Forcément, 1926, c'est un peu compliqué, mais il y a moyen. Il y a moyen. Voilà, il y a moyen. Grâce c'est à toujours Internet. Grâce à Internet. Ouais, merci Internet. Et par contre, c'est toujours en format broché, format poche, un peu plus compliqué à trouver. Donc, mais bon. Ça sortait chez Albin Michel. Et c'est assez marrant, ça fait comme avant. Voilà, la fausse couverture et la vraie couverture en dessous. Ça m'a bien fait rire aussi quand je l'ai vu. Comme avant. Voilà, comme avant, comme dans le temps. Et ton exemplaire, c'est un exemplaire estampillé 96, c'est pas une réédition? Je pense que c'est une réédition celui-là. Ah quand ouais. Même. Ouais, si. Parce qu'avec la couverture de originale est en dessous, mm-hmm. Donc elle est hop, elle est mm-hmm. là. Et celui-là, alors ça prouve que j'ai le bouquin en main quand même. Mm. on entend les pages. celui-là date de Eh ben, si. 1995, même. Ah ben, voilà. Voilà. Un vétéran. Je pense que ça devait être... voilà. Fini d'imprimer en 1996. Février 1996, exactement. Donc, ce n'est pas une réédition, ça, en vrai. C'est amusant, ça. Voilà. En bon état. Bon. Allez, Hubert Corbin, j'allais dire. Mais tu sais qu'au début, je l'appelle toujours Hubert Corbin. Ben ouais, forcément. À cause de... L'anglais. Enfin. Arlan Cobin aussi, ouais, voilà. C'est ça. En fait, non, c'est Hubert Corbin, c'est bien un français. Nécropsie chez Albin Michel et ça a l'air en tout cas savoureux. Ouais, comme les anciens, ça fait plaisir de revenir un petit peu en arrière et de découvrir un peu les vieux thrillers. Je dis vieux. Bon. L'album s'appelle Sœur, le groupe s'appelle Monsieur, c'est amusant. Et oui. Derrière Monsieur, on retrouve Nicolas Kerr, leader de Pony Hawks. Voilà, qui est mon Dieu, oui. Groupe pas trop confidentiel, mais pas non plus ultra connu, qui a été remarqué évidemment il y a quelques mois pour s'être lamentablement planté, mort torché chez le plateau de chez Ruquier. Tout à fait. Et il parlait justement de cet album Sœur, enfin il devait normalement parler de cet album Sœur qu'il a fait avec Ariel Dombal. si c'est possible. Extrait de cet album sœur, on va écouter Robot Fucker Monsieur. C'est parti. Et fin de l'album de la semaine, toujours avec le duo londonien dit Agnès Circle et cette hippie moderne Heidi. Mm-hmm. Alors, pas de date de concert pour l'instant. Non. Ça mais ils ont l'air. Enfin, en tout cas, évidemment, c'est grâce à tes recherches, bien sûr. Mais ils ont l'air extrêmement discrets, ces gens-là. Tout à fait. Jamais vu nulle part, je m'ai entendu parler. Et bah ouais, bah écoute. Voilà. Ça arrive. Ça arrive, mais évidemment. Heureusement. C'est ça. Allez, dernier extrait pour cette hippie. Oui. Moderne Heidi, où on va écouter le morceau Sister Flu. Mmh. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et ouais, tout en douceur quand même pour cette archive du dimanche qui, bon, porte peut-être mal son nom parce que on est un peu plus dans le recueillement évidemment avec ce genre de titre, Aeroplane, extrait de l'album Début de Björk qui sortait en juillet 93. Mais ouais, quand même quoi, ça commence à dater un petit peu, hein. Ouais, forcément. Bah oui. Et première particularité, ça s'appelle Début. Mm-hmm. Et c'est bien évidemment le deuxième album de Björk qui n'est pas, qui ne sera pas une face si prête évidemment tout au long de sa carrière. Premier album qui remonte pour Björk à un album qui s'appelle tout simplement Björk qui sort en 1977, excusez du peu, il y a donc bien 40 ans. Non, je n'ai rien pris, je dis bien la vérité. Il y a 40 ans que sortait le premier opus de Björk, qui avait 12 ans, puisqu'elle a fêté, il y a quelques jours, ses 52 ans, quand même. Ben oui, elle aussi, hein, elle comme tout le monde, ça arrive. Et donc, Björk, c'était le 21 novembre d'ailleurs, pour ceux qui auraient voulu lui fêter un anniversaire. Voilà, Björk qui est sur le devant de l'actualité parce que Utopia arrive, c'est son nouvel opus, voilà. Je pense qu'on est au 12-13e album maintenant, hein, quand même, depuis l'époque début qui restera quand même particulier dans sa discographie parce que c'est clairement le disque qui va faire connaître Björk et son monde au monde entier, c'est le cas de le dire. C'est un disque finalement très produit, c'est Nelly Hooper qui se trouve dans la plupart des titres là derrière, que ce soit évidemment Violently Happy, Human Behavior, etc. Il y a Venus as a Boy qui sera un carton aussi, qui a été écrit par Björk, et Aeroplane, ouais. Et Aeroplane est un des titres écrits par Björk plusieurs années auparavant, quand elle a 15-16 ans. Et vous avez entendu comment c'est très bien fait déjà, très bien écrit. C'est clairement une surdouée, Björk, il n'y a pas d'autre mot. Elle touche bien la musique et plutôt au jazz, comme on a pu l'entendre sur cet excellent Aeroplane, j'y reviens plus. Voilà, mais une carrière qu'on pourra comprendre et voir de différents points de vue, soit comme quelqu'un de particulièrement snob et loin de tout, voilà, qui est dans son monde, particulièrement avec l'époque Volta, Biophilia, Medulla, etc. Quelqu'un de plus concrète, entre guillemets, et plutôt un artiste versé dans l'électronique, justement avec début ou post, voilà, ses premiers disques. Et finalement, c'est quelqu'un qui voyage dans un univers qui s'appelle Björk, tout simplement. Elle est très attachée à ses origines, évidemment, islandaise. Elle a fait un arbre généalogique, figure-toi. Ah bon ? Ouais. Et elle est remontée jusqu'à 1200 ans. Donc c'est pas mal en 1200, où elle retrouve de ses ancêtres, tous islandais évidemment. Sauf du côté de sa mère, où il y a une branche très lointaine qui serait irlandaise, pour le coup. Ah ouais. Voilà. Björk Gudmundsdóttir. Dóttir est-on fille en islandais. Et Gudmunds, donc voilà. Mais c'est fille de... Enfin, c'est toujours c'est comme ça. C'est ça, voilà. Björk Gudmundsdóttir. Dóttir, pardon, j'y arrive. faut y aller. Ils n'ont pas inventé la langue la plus simple au monde. Ils n'ont pas inventé la langue la plus simple. Elle est née à Reykjavik, donc. Et c'est clairement ce mariage, parfois, entre même musique classique, hein, très très classique, Debussy, Mahler, etc., et musique électronique. Pour les plus anciens d'entre vous, vous allez peut-être vous souvenir du groupe punk Kukul, 83-86, dans lequel Björk joue, chante et joue des percus, voilà. Et puis, plus connu peut-être, Sugar Cubes. Ouais, quand même. Avec le morceau Regina. Ouais. Sugar Cubes qui viendra faire une tournée, quelques dates en Belgique. Début des années 90, avec un petit groupe en verso en première partie qui s'appelle Deus. Pourquoi pas. Et quelques années plus tard, Deus va jouer avec Sugar Cubes qui sera dans sa fin de vie. Voilà, et là c'est Sugar Cubes qui va ouvrir pour Deus. Bon. C'est marrant ça. C'est amusant. Voilà, on a fait plus ou moins le tour de ce début album qui est évidemment le plus populaire, on va dire. Ça reste encore, me semble en tout cas. Je suis pas à la carrière de Björk de super près, mais ça reste pour moi un des disques les plus populaires pour elle. 3 millions d'albums vendus dans le monde quand même, dont 350 000 en France. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on est parti avec justement Violently Happy. Il y avait aussi ce jeu à double sens dans la musique de Björk. C'est toujours le cas maintenant, bien évidemment. C'est parti. Violently happy, I'm driving my car too fast. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Dominique. Ouais, ça fait bien quand ça s'arrête. C'est ça. Alors, trio de Boston, le groupe s'appelle Karl Marx. Mm-hmm. Joli. Joli, joli. Nouvel album qui sortira en février 2018, Universal Care. Et on écoutait en premier extrait, ça s'appelle Adventure. Alors, il y a du Pixies là derrière. Il y a du Pixies à mort. Carrément. En plus, c'est marrant parce que Boston, c'est le coin de Charles Michael Kittredge, Thompson, alias Buck Francis, mm-hmm. Il vient de là. La voix, moi, ça m'a fait vraiment penser à Frank Black à fond de balle, quoi. Et ouais, il y a du Pixies dedans. Ouais. C'est, ouais, c'est ouais. Il y a bien longtemps, parce qu'il y a plein de groupes qui se revendiquent de Pixies sans en avoir le moindre accord. Mais là, et je sais pas, et en plus le jeu de mots sur le nom du groupe, bah oui, pourquoi pas quoi. Ouais, mais c'est pas. Non, on va suivre cette affaire. Alors, savoir qu'ils avaient sorti, on avait déjà passé un morceau de l'année passée, d'un album qui s'appelle. Ouais, on n'avait pas trop suivi par la suite. L'année passée, on n'était pas beaucoup là, donc. C'est peut-être ça. Aussi. Parce que l'album s'appelait Life is Alright, Everybody Dies. Voilà. Donc, ouais. Non, ouais, mais ouais, bah ouais, bah voilà. Voilà. Donc à suivre février 2018. Madame, il y a du Pixies dans Sister. Il y a beaucoup de Pixies dans Sister. Si. Allez, Pedro Engel et sa sœur Nadine Engel, évidemment, connue dans différents groupes, notamment Asylum, si vous suivez un petit peu l'électro body music, là, comme ça, hein, mais qui est plutôt bien torché. Voilà. Ouais. Ils se sont amusés. Parce que ça ne peut être pris qu'au second degré, je vous rassure tout de suite, à faire un nouveau projet qui s'appelle le Totem Obscura, projet qui a démarré en 2013. Il y a eu un album et ils se sont dit, tiens, on mettrait bien la faire en route. Et donc 2017, deuxième album, ça s'appelle Nordisch Fest. Mon Dieu. Oui, on est dans le symbole. Totem Obscura, donc Nadine Engel et son frangin, extrait de cet opus qui sort chez l'excellent label Alpha Matrix, le label de Ford 2K2, répétera jamais assez. The North, forcément, Nordisch Fest, le titre The North, Totem Obscura, juste pour se faire un peu de plaisir. Allez. Avec de l'électro body music, c'est parti. Lange neun Nächte, verwundet durch einen Speer, Odin gefällt. Totem Obscura, Pedro Engel et sa sœur Nadine, évidemment. Enfin, je dis évidemment, vous savez pas, hein, et voilà. Et donc, oui, on est bien dans de la parodie, évidemment. Prenez pas ça très au sérieux. Ou pas, c'est selon. Je mets les films fantastiques. Vous pouvez vous pencher sur la filmographie d'un certain Jean Rollin dans les années 70 en France. Mmh. Réalisateur qui s'est dit, tiens, moi aussi, je vais faire des films fantastiques. Sauf qu'évidemment, il n'avait pas les moyens. C'était ultra cheap. Les raisins de la mort, ce genre de choses, quoi. Il faut voir ces films pour comprendre un peu, peut-être, la démarche d'un groupe comme Totem Obscura. C'est retour vers le futur, en fait. On est revenu 20 ans en arrière. Merde. Bon. Ouais, allez, on retourne en 2017, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le groupe s'appelle Is Electro Blue Voice. Ce sont des Italiens, figure-toi. Et ils viennent de sortir un album qui s'appelle Mental Hoop. Nouveau. Chez Maple Death Records. Je sais, c'est nouveau. Ben oui, 2017, oui, c'est nouveau. Nouveau. Voilà. Oh. Donc HEBV, donc Is Electro Blue Voice. On va écouter le morceau Ratscum. Ouais. Tout dans la poésie. C'est très poétique et tout la musique la est poésie. Très poétique aussi. Allez, un peu de poésie. C'est ça. We'll be right back. Bah ouais. Ouais, non. On a dit que ça faisait pas dans la dentelle. Si vous étiez à un concert et sur bord de scène avec D.O.C. s'occuper de regarder le groupe qui jouait, D.O.C. se va regarder avec le sourire. Mais eux, ils vont vous jeter des bières dans la gueule. C'est ça. C'est D.O.C. se mal élevé. It's Electro Blue Voice. Ouais, ils peuvent avoir un nom pareil avec une musique pareille. Les Italiens, extrait de leur dernier album Mental Hoop, et c'était un morceau qui s'appelle Scum Rat. Ouais. Magnifique, ils seront bientôt au Watermoulin, c'est pas possible autrement. Je sais pas. Tom, si jamais t'écoutes, franchement, c'est vrai, il faut qu'on parle. J'ai un truc pour toi. Il y a des petits Italiens qui traînent. C'est ça. Bon. Ouais. Et on va déjà dire le revoir et tout après. Enfin. On va d'abord présenter le petit décroche et puis on dira au revoir parce qu'on sera sur le 22h sur le gong, voilà. Ouais, c'est pas un appel à quoi que ce soit. C'est pour la conduite. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas un appel à quoi que ce soit avec le morceau qu'on vient d'entendre. On est en 1983. L'album s'appelle Speaking in Tongues. Le groupe s'appelle Talking Heads. Et le morceau s'appelle... Qu'est-ce que c'est ? Non. Même pas. Même pas ? Non, c'est l'autre. Ah, bon, allons-y. Burn down the house. Voilà. C'est parti. C'est bien. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couverts, soyez prudents. À la semaine prochaine, bye. Bonsoir. C'est ça que vos killers, soyez bien. À la prochaine fois. Bon, allez, c'est parti.